pod. Je peux pas venir. Il me reste peu de personnes quand je suis dans le flou. Dans mes pires moments, je l'ai vu me soutenir. J'ai fait des concessions pour nous. Qu'est-ce que tu fais la tête, je peux pas venir. Il me reste peu de personnes quand je suis dans le flou. Dans mes pires moments, je l'ai vu me soutenir. Ding, bon, basse, les cheveux lâchés. Quand ils sont bouclés ou même attachés. Puis mon baisse, obligé de se cacher. Mais comme on dit vivant, on veut en cacher. Elle me fait oublier mes problèmes. On oublie tout quand on aime. C'est mon bébé, c'est mon top modèle. Si je suis jaloux, c'est que t'es trop belle. T'es belle, mais pourquoi t'es faux, tu m'embêtes. En plus, je fais pas le beau, j'ai toujours le survêt de la casquette. T'es belle, je suis jaloux, c'est pas ma faute. J'aime quand on se retrouve nous deux et qu'on fait la fête. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bébé, j'ai besoin de toi, tu me manques. J'ai besoin de toi comme les sous dans une banque. T'es les rentrer comme dans un doc. T'inquiète, j'serai là si t'es joué. J'serai tout pour protéger. Fais-moi un câlin, des bisous sur les joues. T'as fait fondre mon cœur enneigé. J'ai une bombe parce que les cheveux lâchés. Quand ils sont bouclés ou même attachés. Et puis mon blaze obligé de se cacher. Mais comme on dit vivant heureux, vivant caché. Elle me fait oublier mes problèmes. On oublie tout quand on aime. C'est mon bébé, c'est mon top modèle. Si je suis jalouse, c'est que t'es trop belle. T'es belle, mais pourquoi?